واجه كأمضاء كامي Trop de mon vie, peu de fierté, c'est tout pour les lobbies. T'as éprouvé, je n'ai rien à prouver. On n'a jamais douté, par beaucoup dégoûté. Pas de questions, on prend les choses comme elles viennent. Un casse coup de pute sans savoir d'où ils viennent. À t'écouter, tout le monde est le sens de la veine. Ça prend des longues peines, est-ce que ça en vaut la peine? Pour des petites sommes, ça prend des perpètes. Je veux faire un petit on distribue des perfects. Que des mecs du terrain, la dégaine est suspecte. Posez toute la journée, cramé comme un houspect. Prends pas la confiance, vas-y, reste au coup le cous. Les clients veulent leur dose de shit ou la picousse. Même devant l'épreuve, rien à foutre, on y tous. Gros bolide, grosse viande, 124 pouces. Voix de faire un fils, le bis de perpétrer. Il en voudrait pas pour qu'on te fasse ta veste. Faut t'enlever la vie pour qu'on dépasse ta dette. C'est chacun pour ça pour qu'on challenge ta fête. Je te la famille du 84 à Toulouse. Tu veux nous tester mais t'es game over you lose. Peu importe le moyen pour t'en faut tes billets. Ça va le marron pour toi ça va la pelouse. Ramène du renfort tu veux tester. Tu veux te mesurer tu vas détester là. Déterminer la puissance vient du terre-terre. Ça posait dans la cavanta c'est comme des là. Il faut les rages mais c'est des high tune. Peu de mec vrai demande à Hako. J'assume si j'en fais une quenelle. Je baisserai pas mon froc à la saco. Beaucoup font les mecs qui veulent investir. Au fond ça ne pense qu'à tirer profit. C'est bon enfumé depuis le matin. Ça déjeune un pit. Covid. Avant de signer faux qu'on négocie. Si je mange il faut que mes potes aussi. C'est bon enfumé pour moins de soucis. Ouais ça fait du warrior Valentino Rossi. Easy tu parles de la compte ton père. Je ne calcule pas les jaloux quand vos pères. Laisse-les avec le temps ils finiront par terre. Laisse-les avec le temps ils finiront par terre. On veut un empire comme dans le temps power. On court après le temps à la Jack Bauer. Depuis toujours les médias nous manipulent. L'histoire est fausse comme celle des Twin Towers. Pour toi tu veux du rap on t'envoie les cartas. Il faut du bif pour que tous les frères tassent. À 25 pistes c'est des faltas. Tous les jeunes fans se battent pour une carcasse. À la trace ça cherche mon nez à l'odeur. La jeunesse prend les plus gros voyous pour leader. Tu fais le fou mais t'es qu'une folle comme certains videurs. Fais pas la fraise si tu sais que t'es la pire leader. En galère y'a ceux qui se foutent, ceux qui te tendent la main. Ils crient du bâtard qui veulent des sacs à main. Ça braque pour pas et arme à la main. Ça rentre au quartier, frein à main. Élevé à la street bitume. Charbon, terre, terre, béton. Que seul but c'est terre des thunes. Palais de 5 ans dans la Louis Vuitton. Que tu parles d'aller travailler pour 1002. C'est la survie, pas de quoi mettre de côté. Faut qu'on la ferme comme si c'était normal. Ne vois-tu pas qu'ils nous baissent en beauté. Si tu veux percer, il faut être culotté. Ça sont des bolides sans savoir piloter. Je me verrai me poser sur une île au Bahamas. Poser sur une plage en train de siroter. Un putain de cocktail. Ils prennent de la cocktail. Des putains de schlag. Rien à foutre du game, rien à foutre du top 10. Beaucoup se prennent pour Pablo. Se brasser comme Danvlo. Ils sont pleins de complots. C'est ce qu'ils écoutent pute comme des plots. Ils savent, oh, yeah, oh, yeah.